Chapitre 4. Le noyé inconnu. Martin Huma avait relevé, avons-nous dit, un nom sur les faits que lui présenta M. Basilesco. Il prit des renseignements sur ce personnage et sut que ce monsieur, portant le nom d'Adrien de Krabs, était directeur d'un comptoir d'opérations de bourse et de change, comme il en existe beaucoup à Paris et dans toutes les villes. On le disait très riche et propriétaire de plusieurs domaines en Belgique. Martin Huma, qui aimait bien se renseigner et voir par lui-même, se présenta chez M. de Krabs pour mettre une obligation en vente. La banque de M. de Krabs, qui s'appelait Comptoir Normal, se trouvait au boulevard Saint-Michel, non loin de la place du Panthéon. Martin Huma fut reçu par un groom en livrée qui l'introduisit auprès du directeur. M. de Krabs était un homme très élégant, d'une haute taille, habillé avec une grande recherche qu'il reçut de la façon la plus affable. En financier gentilhomme, M. de Krabs tenait à recevoir lui-même ses clients, les nouveaux clients surtout, et apportait dans ses opérations commerciales toute la courtoisie d'un parfait gentleman. Martin Huma, pour cette visite, avait revêtu une grande redingote, trop ample, trop longue, se boutonnant mal, un pantalon trop court, des souliers trop larges à bout carré retenus par des cordons. Il portait sur les joues des petits favoris gris. Il avait donné à sa bouche la forme d'un fer à cheval et il gardait sur les yeux des conserves bleues. Il entra dans le bureau du banquier, tenant à la main son haute forme démodée et un énorme parapluie en coton. Il se donna comme un professeur de province, ayant cette obligation achetée à tempérament. Or, il voulait aujourd'hui s'en défaire pour opérer un meilleur placement, et il venait trouver M. de Krabs, dont la banque était installée dans le quartier des écoles, et pour ainsi dire dans un pays connu de lui. M. de Krabs se chargea de la vente. Il prit lui-même l'obligation, délivra de sa propre main un reçu à ce M. Thomas, répétiteur, qui était descendu chez un de ses amis parisiens, et se leva pour reconduire ce nouveau client, lui disant de revenir dans la soirée, que son obligation serait vendue au cours de la bourse. En passant devant la croisée, le jour frappa la figure de M. de Krabs. Fort heureusement, Martin Huma avait devant les yeux des conserves bleues. Elles arrêtèrent l'éclair qui jaillit de ses prunelles quand il vit bien en lumière le banquier. Peu après avoir remercié M. de Krabs de son obligeance, Martin Huma descendit le boulevard Saint-Michel en se disant « Mais ce sont des gens de ma connaissance que tous ces gaillards-là !» Cependant, le mystère qui planait sur la disparition du garçon de recette ne s'éclaircissait pas encore. Pendant une semaine, Martin Huma, qui avait fait établir une souricière très serrée autour du marchand de meubles, de l'antiquaire, du négociant et du gentilhomme banquier, n'arrivait pas à découvrir quoi que ce fût. Il ne désespérait pas et continuait à agir doucement, prudemment, allant de déduction en déduction, sachant très bien qu'il tenait le fil de ce dédale et qu'on devait fatalement arriver à tirer cette affaire au clair. Un matin, je fus brusquement arraché à mon sommeil. « Hop, hop, vite, vite, debout !»« Qui est là ? » criai-je en me dressant dans mon lit. « Moi, parbleu, qui voulez-vous qui vienne vous réveiller, sinon moi ?»« Ah, vous, Martin Huma, quelque chose de nouveau ?»« De sensationnel !»« Ah, je saute de mon lit. Qu'est-ce que c'est ?»« Il est retrouvé. »« Quoi donc ? Éloi Duval, le garçon de recette, lui-même. »« Retrouvé. Par qui ? Par vous ? Je n'ai pas eu ce mérite. » Par des mariniers. Dans la Seine, alors, noyé? Je ne sais rien. Je sais qu'il y a un cadavre. C'est tout ce que, jusqu'à présent, je sais d'indiscutable. On a un cadavre. Qui correspond à celui du garçon de recette? Il paraît. Mais vous n'avez jamais vu Éloi Vidal? Vous ne le connaissez pas? Peu importe. Je gage que je reconnaîtrai mieux cet homme que je n'ai jamais vu, que sa propre famille elle-même. Oh! D'ailleurs, je viens vous chercher pour vous faire assister à cette confrontation tragique. Elle vous permettra de faire un reportage sensationnel qui demain fera frémir tout Paris. Sur une dalle de marbre de l'amphithéâtre, on avait étendu le cadavre recueilli dans la Seine. Une toile blanche le recouvrait, laissant deviner les formes du malheureux qu'on devait examiner. Le cadavre était vêtu d'une chemise de flanelle en loques méconnaissables et d'un pantalon tout déchiré dont il était presque impossible de dire la couleur, tant la base et les herbes l'avaient rongé et taché. Il était nu-pied. Madame Vidal fut introduite dans l'amphithéâtre. Accablée de douleur, elle s'appuyait au bras de Dubois, un des collègues du père Vidal, dévoué ami qui l'assistait dans ce moment critique. Sa fille venait ensuite, comme anéantie, soutenue par son fiancé, M. Sylvain. Le préfet de police, pour cette constatation, avait convoqué, outre la famille, deux ou trois amis connaissant bien Éloi Vidal, et également les collègues qui, depuis de longues années, se trouvaient avec lui, le voyaient tous les jours. Les deux femmes sanglotaient, le futur gendre pleurait, et les amis, les collègues, se sentaient également pris par une poignante émotion. Après les précautions d'usage, les encouragements habituels, on souleva le drap qui recouvrait le cadavre, et on engagea Mme Vidal et sa fille à s'approcher de la table, à regarder le corps. C'était celui d'un homme d'une forte corpulence qui avait l'air solidement bâti, mais les chairs se trouvaient en partie décomposées, arrachées même par endroits. La figure, gonflée, était comme écrasée, le cuir chevelu enlevé, et le nez n'existait presque plus, et les lèvres s'entrouvraient dans un rictus épouvantable qui montrait les dents, dont la plupart, noires, étaient ébréchées. Cependant, Mme Vidal, sa fille, son futur gendre, se penchèrent sur le cadavre, horrible dans un tel état de décomposition, et poussèrent un cri en même temps. « C'est mon mari. C'est mon père. Ah, quel malheur nous frappe. C'est affreux. C'est horrible. » Les deux femmes se trouvèrent mal. Il fallut les emporter. Le gendre, retenu par le greffier et le commissaire de police, l'envoyé du préfet de police, dut examiner plus longuement le cadavre. On fit un à un, avec autant de temps qu'il était nécessaire, passer devant la table de marbre les amis et les collègues de Vidal, en les priant de bien regarder, de surmonter leur émotion et de n'établir leur déclaration qu'après avoir bien étudié le corps de ce malheureux qu'on mettait sous leurs yeux. Tous reconnurent formellement que c'était là le cadavre d'Éloi Vidal. Après cette dernière formalité, Martin Numa, qui s'était tenu sur un des gradins de l'amphithéâtre et avait assisté sans bouger, sans rien dire à toute cette scène poignante, descendit et vint lui aussi près de la table de marbre. Il examina à son tour le cadavre. Il l'étudia longuement. Je le vis prendre les mains du mort, les regarder avec attention, faire de même aux pieds, les examiner. Durant ce moment, le greffier avait dressé l'acte de reconnaissance et s'apprêtait à faire signer à toutes les personnes convoquées, après leur avoir demandé encore une fois de bien vouloir examiner le cadavre. Alors Martin Numa intervint. « Je vous prie, dit-il, de ne pas faire signer tous ces braves gens qui ont reconnu le père Vidal dans le corps de ce malheureux étendu sur la dalle, car elle commettrait une erreur très grosse. Erreur qui entraînerait plus tard des complications inextricables, dans lesquelles la justice s'enchevêtrerait et dont elle aurait grand mal à sortir. » On regarda avec étonnement Martin Numa. « Croyez-vous, lui demanda-t-on, que ce n'est pas là le cadavre de Vidal ?» Il répondit, « Je le crois. J'en suis absolument certain. J'en suis absolument sûr. » Le malheureux qui repose là, sur la dalle tragique, n'a jamais été Éloi Vidal. Faut-il de nouveau prier Mme Vidal, sa fille, son gendre, de venir pour leur faire encore une fois examiner ce cadavre ? Inutile, inutile. Cependant, il faut que nous ayons une conviction. Il faut prendre une décision. Nous devons conclure. Nous allons le faire. Nous sommes là pour conclure après un examen approfondi, une étude plus complète de ce corps que celle qui a été faite jusqu'à présent. Connaissez-vous Vidal ? Demanda Martin Numa, le juge d'instruction. Nullement, je ne l'ai jamais vu. J'ajoute même que je ne le verrai pas encore aujourd'hui. On le regardait avec stupéfaction. Martin Numa, le visage calme, sans qu'aucun pli de sa face glabre trahisse ses sentiments, regardait de ses yeux gris et froids les gens qui se tenaient devant lui, anxieux et pris par une profonde émotion. Le juge d'instruction demanda « Mais puisque toutes les personnes qui se trouvaient ici, les amis de Vidal, ses collègues, sa femme, sa fille, son gendre, ont parfaitement reconnu le malheureux, comment vous, qui ne l'avez jamais vu, pouvez-vous dire que ce n'est pas là le cadavre de celui que l'on regrette et que l'on pleure ?» Martin Numa répondit « On vient en effet de reconnaître dans ce corps Éloi Vidal. Cela n'est pas une raison pour qu'Éloi Vidal soit vraiment l'homme reconnu dans ce corps. Expliquez-vous. En effet, il faut faire ici une grande part à la suggestion. Et je m'explique. Voyons. Toutes ces personnes, les parents et surtout les femmes, très facilement impressionnables, sont venues ici avec cette conviction qu'on avait enfin retrouvé le corps de celui qui manquait et qu'on recherchait. Elles sont venues avec cette idée qu'elles n'avaient qu'à reconnaître dans ce cadavre l'absent et non pas à voir si le cadavre était celui de l'absent. Comprenez-vous la différence ? Parfaitement. Ajoutez à cela l'appareil funèbre spécialement dramatique de l'amphithéâtre, qui cause une forte impression même sur ceux qui n'amènent pas ici des raisons aussi tristes, aussi graves que celles dont en ce lieu toutes personnes sont accablées. Ajoutez-y la dalle funèbre, ce drap blanc qui recouvrait le cadavre et qu'on a arraché, malgré toutes les précautions, d'une façon tragique. Rappelez-vous que ce corps est apparu à des yeux déjà prévenus, remplis de larmes, effrayés, des yeux de parents qui pleurent et qui voulaient retrouver l'être cher, des yeux enfin qui ne pouvaient plus voir exactement, qui ne pouvaient plus faire de comparaison, qui ne pouvaient par conséquent plus établir la vérité. C'est possible en effet. La suggestion fut aidée ici par la douleur, par l'émotion, par la mise en scène tragique, et personne, parmi ceux qui ont fait les déclarations que vous vouliez recueillir, personne n'a pensé que ce pouvait ne pas être le corps de celui qu'on pleurait étalé sur la dalle. Mais Madame Vidal, cependant, Madame Vidal, qui la première déclara reconnaître son mari, sa fille qui vint ensuite, le gendre qui succéda, donnèrent pour ainsi dire le mot d'ordre à tous les braves gens appelés à leur suite. Cependant, Madame Vidal ne pouvait voir puisqu'elle fut presque aussitôt privée de connaissance. Donc le point de départ de cette reconnaissance est déjà incomplet et inexact. Sans doute, mais ajoutez à cela que le corps de ce malheureux est abîmé, qu'il est déchiré, lacéré, et qu'il est réellement impossible de retrouver dans cet amas de chair le visage du disparu. Martin Numa ajouta : voici la situation exacte au point de vue moral. Bien, maintenant, au point de vue matériel, veuillez avec moi examiner le corps. Et il demanda : depuis combien de temps, messieurs, avons-nous à déplorer l'absence d'Éloi Vidal, garçon de recette du Crédit Bordelais ? Depuis 8 jours à peine. En effet, 8 jours. Or, regardez l'état de décomposition de ce corps, regardez les chairs qui se détachent déjà du squelette, ces boursouflures qui dénotent une décomposition extrêmement avancée. Comme vous le dira, comme pourra vous le certifier tout à l'heure le médecin légiste, voilà un corps qui est resté plus de 2 mois dans l'eau. Tout le monde poussa un cri de surprise. L'émotion, dès lors, fut à son comble parmi tous ces gens. On se rapprocha de la table et on écouta Martin Numa avec la plus grande anxiété. Martin Numa poursuivit. Donc ce corps a fait incontestablement un long séjour dans l'eau. Permettez-moi de vous dire ceci, qu'il est impossible qu'Éloi Vidal ait été jeté à l'eau depuis environ 2 mois alors qu'il n'a disparu que depuis 8 jours à peine. Il continua. S'il n'y avait pas ainsi longtemps que ce cadavre est roulé par les eaux bourbeuses de la Seine, nous demanderions à Madame Vidal, qui doit s'en souvenir certainement, le jour de la disparition. Éloi Vidal ayant disparu à 3 heures, c'est-à-dire probablement assassiné à 3 heures, la digestion pouvait ne pas être tout à fait faite, et l'autopsie serait à même de retrouver assez de matières alimentaires encore dans l'estomac pour reconnaître ce qu'avait mangé ce malheureux. Dès lors, il serait facile de voir si oui ou non il s'agit ici d'Éloi Vidal. Très juste. Mais le temps a fait son œuvre, et je ne crois pas qu'il soit possible de contrôler cela dans l'estomac de cet homme, car tout a dû être dans ce corps envahi par l'eau, détruit par la décomposition, comme je viens de vous le dire, très avancé. Il faut donc chercher autre chose. D'abord le linge. Dans le signalement donné par Madame Vidal, le soir de la disparition de son mari, il y a que le garçon de recette portait une chemise de flanelle. « Eh bien, dit le juge d'instruction, ce corps est revêtu d'une chemise de flanelle. Je le constate, c'est bien une chemise de flanelle, comme toutes les chemises de flanelle, solide d'ailleurs, d'excellente qualité, mais assez commune. Toutes les chemises se ressemblent. Il est impossible de les reconnaître, de les distinguer. Celle dont le cadavre est revêtu est malheureusement en lambeaux, et il est impossible de retrouver la marque de blanchisseuse que Madame Vidal aurait pu reconnaître. Alors ? Éloi Vidal portait également, le jour de sa disparition, un pantalon de laine foncée. Celui de ce malheureux est vraiment en laine, mais la couleur est mangée, et il ne nous est pas permis d'établir exactement quel était son aspect premier. Aucune marque, au surplus, ne peut être retrouvée qui affirmerait la reconnaissance, sans dire qu'on a pu enlever à Vidal son pantalon d'uniforme. C'est possible. Écartons donc les vêtements. Tenons-nous-en au cadavre et là, nous trouverons des preuves certaines que ce n'est pas là le corps du malheureux Vidal. Permettez-moi de vous le démontrer, ce sera rapidement fait. Voyez ses mains. » Martin Huma prit une des mains du cadavre. « Voyez cette main, » dit-il. « Remarquez au doigt des durions. Dans la paume de la main, des callosités. Sur le côté de la main, en dessous du cinquième doigt, nous retrouvons des rugosités, pour ainsi dire de la corne. » On constata ce qu'indiquait Martin Huma. Le détective reprit. « Je ne crois pas que le malheureux Éloi Vidal, en maniant les billets qu'il présentait aux clients du Crédit Bordelais, en remuant des billets de banque et en comptant des pièces de monnaie, je ne crois pas que le malheureux Vidal a pu acquérir ces callosités. Elles indiquent, à n'en pas douter, les mains d'un homme qui travaille durement. » Après cela, Martin Huma descendit au bas de la table de marbre. Il souleva un peu le voile qui recouvrait les pieds du cadavre. « Je passe, dit-il, au pied, et je vous prie de constater avec moi que les callosités et les déformations du pied ne correspondent pas à celles des mains. Il est évident qu'Éloi Vidal marchait beaucoup. Par conséquent, il devait avoir certainement au pied soit des durions, soit des cors. Même un peu de rhumatisme, dit Dubois. En plus de cela, Madame Vidal a déclaré sur ma demande que parfois son mari avait dans les orteils des accès de douleur, que souvent aussi ses genoux se gonflaient sous l'effet des rhumatismes contractés autrefois dans le service militaire. Exact. Nous trouvons ici, veuillez le voir, un genou sec, qui n'a jamais eu de douleur, un mollet nerveux, plutôt maigre, au tendon accusé, comme celui d'un homme qui marche évidemment beaucoup, mais nous trouvons un pied dont le plan presque entier est dur. C'est le plan du pied, messieurs, d'un homme qui marche souvent sans chaussures, alors qu'un pied est chaussé par des souliers, voire des souliers larges comme ceux que devait porter Éloi Vidal, est généralement plus dur à la racine des doigts et aux talons. Vous savez que le plan du pied forme pont et que jamais, à moins qu'il n'y ait des clous dans la semelle, jamais il n'est dur ou abîmé. Tandis qu'au contraire que dans le pied d'un homme qui a l'habitude de marcher sans chaussures, le pont disparaît. Le plan du pied repose sur la terre, sur le gravier, et tout le pied se durcit à peu près également. C'est ce qui est arrivé au pied de ce malheureux. Cet homme marchait souvent pieds nus. Voici, en effet, des blessures mal cicatrisées qui indiquent qu'il a été souvent blessé au cours de ses promenades, de ses marches sans souliers. Ceci, messieurs, pour vous affirmer une fois de plus que ce cadavre n'est pas celui d'Éloi Vidal. On fut forcé de se rendre à cet avis, et devant ces preuves irréfutables, devant cette constatation, on fit revenir Madame Vidal, sa fille et le gendre Sylvain. Maintenant, on leur fit part des observations de Martin Huma. On les pria de regarder alors avec encore plus d'attention le cadavre de cet homme et de dire, d'affirmer, s'ils pouvaient toujours reconnaître en lui leur chair disparue. Martin Huma lui-même leur donna le moyen de vérifier attentivement l'identité du mort. Il disposa la tête, cacha avec un linge les parties abîmées, essayant de rétablir autant que possible soit le profil, soit le côté du visage, afin de rendre la reconnaissance plus aisée. À présent, dégagée de cette suggestion première, la femme de Vidal, sa fille, son gendre, regardèrent avec des yeux plus froids et plus calmes, le cœur moins oppressé, un nouvel espoir dans l'âme, ce malheureux étendu sur la dalle funèbre, et ils finirent par se ranger à l'avis du détective. Tous revinrent sur leur déclaration première et reconnurent que ce n'était pas Éloi Vidal. Martin Huma, alors très calme, acheva. C'est tout ce qu'il fallait démontrer pour cette affaire. Mais cela ne me suffit pas, à moi, Martin Huma. Je vous ai prouvé que ce cadavre ne pouvait pas être celui d'Éloi Vidal. Je dois vous le prouver d'une façon indéniable, en vous disant non pas seulement où est Éloi Vidal, mais en vous révélant aussi l'identité du cadavre qui est sous vos yeux. Or, ceci constitue une nouvelle affaire qui se greffe sur la première. Absolument. Il faut, pour que vous ayez la preuve certaine que ce cadavre n'est pas celui d'Éloi Vidal, que vous sachiez qui il est. Très juste encore. Cela me regarde. Je vous demande seulement de m'accorder quelques jours et de remettre votre acte de reconnaissance. Consignez seulement sur le procès-verbal de cette confrontation que l'on n'a pas pu reconnaître Éloi Vidal dans le corps de l'homme repêché dans la Seine. C'est tout ce qu'il importe d'avoir pour le moment. On fit donc remonter en taxi la femme de Vidal et sa fille. Le gendre les accompagna à leur domicile pour toujours endeuillés, mais en partant, elles eurent un regard de reconnaissance pour Martin Numa, comme si elles voulaient lui dire « Puisque vous venez de nous prouver que ce n'est pas mon mari, que ce n'est pas mon père qui est là sur cette dalle horrible, j'espère que vous pourrez, vous, le ramener chez nous et nous délivrer de notre immense douleur. » Martin Numa me dit en revenant « Ainsi donc, mon cher Courville, vous venez de voir comment il est facile de s'illusionner, de reconnaître quelqu'un, alors que tout est si différent, et de commettre la plus grave des erreurs, avec la meilleure foi du monde. C'est qu'il est peu de personnes, pour ainsi dire, qui aient les yeux clairvoyants de Martin Numa. Eh bien, mon cher ami, dit Martin Numa en souriant, nous verrons si les yeux clairvoyants de Martin Numa sauront voir quel est l'individu dont nous avons le cadavre sur cette dalle. Je vous avoue que cela ne me paraît pas tout d'abord très facile. »